1, 2, 3, 4. copain. Bonsoir chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, l'émission Mavrika, c'est tous les vendredis soirs à partir de 19h et on est ensemble pour 3h jusqu'à 22h si vous avez bien fait le calcul. Voilà, aujourd'hui c'est l'édition numéro 506, voilà, ça fait bientôt 12 ans qu'on fait cette émission tous les vendredis soirs, les horaires ont un petit peu changé depuis le Covid, mais ben, on est ensemble, toujours avec Akimo, l'animateur, et on est là pour écouter justement plein de morceaux d'artistes qu'on a eu la chance de recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors pour l'instant, bah, ça commence mal puisque tous ceux qu'on a écoutés jusqu'à présent, bah, ils sont pas encore venus. Il y a eu Born to Burn avec Suffering, c'était pour vous réveiller juste en début d'émission. Juste après, bah, ceux-là ils sont tous venus dans l'émission Mavrika. C'est justement un collectif de tous les artistes qui étaient venus à une certaine époque dans l'émission Mavrika et on les avait convoqués pour qu'ils viennent enregistrer cette chanson qui s'appelle Mavrika. C'est la chanson qui a été composée par les Garens. Et avec les Garens, justement, on a enregistré, il y a plusieurs chanteurs, il y en a toute une liste, hein, si je vous rentrais dans le détail, j'en ai pour un petit moment. En tout cas, ben, ils sont tous enregistrés dans ce morceau. C'est le collectif Mavrika avec la chanson Mavrika et vous avez eu l'occasion d'écouter la chanson en entier, donc avec des petits rappels à la fin et puis avec tous les artistes qui chantaient en même temps. En tout cas, c'était un très bon moment de bonheur et bah, refaire, hein. Pourquoi pas. Juste à l'instant, c'était le groupe Comintern Sect avec le morceau Que restera-t-il de toi. Et juste après, on va écouter le même groupe sur lequel je suis en train de parler. Actuellement, la musique que vous entendez, bah, c'est un peu le générique de l'émission Mavrika. Ça fait déjà des années que je présente l'émission dessus. Il s'agit d'un morceau des Burning Heads qui s'appelle Midnight Dub. Et juste après, je vous propose d'écouter un nouveau morceau des Burning Heads. Alors, tout le monde me dit beaucoup de bien sur leur dernier album. Et c'est vrai que moi je m'en lasse pas. Et effectivement, donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'écouter, écoutez le dernier album des Burning Heads qui vient de sortir. Et pour certains, c'est le meilleur depuis ces 20 dernières années, pour vous dire. Alors, le morceau qu'on va écouter juste après s'appelle Escape and Run Away. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, c'est l'émission Mavrika. Vous pouvez nous écouter sur le 96.2 MHz et vous pouvez aussi nous écouter sur radio-arc-en-ciel.fr. Certains n'ont pas oublié, n'ont pas attendu que je le dise. En tout cas, vous pouvez aller sur Facebook. Vous savez que je suis connecté pendant l'émission. En plus, aujourd'hui, je suis tout seul. J'ai pas d'invité. Alors, ce qu'on va faire, on va justement parler de tous les gens qui sont venus dans l'émission Mavrika. Il y aura toute une sélection de morceaux qui ont été enregistrés en direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel lors du passage des artistes que je nommerai au fur et à mesure. Et là, je vois qu'il y a déjà des gens qui font des petits coucous. Alors, allez-y. Vous aurez en plus, au fur et à mesure, la liste du programme de cette émission. Émission numéro 506. Restez avec nous, on va passer des très bons moments, c'est des moments inoubliables. musique. En direct live dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, le groupe Miss Grad & Co. Your unique one. Dreams, I love my dreams, dreams, dreams. strangers pay. Bravo. En direct live dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, Miss Grad. To never turn back in, jumped in and nowhere's in. night, Jane. Adolescent jusqu'au piéton d'apéro dans les rues. me, do you? Yes, she loves you. And let it be her majesty. Plein de souvenirs, plein de morceaux qui ont été enregistrés dans l'émission Maverika depuis ces dernières années. Vous savez que ça fait presque 12 ans qu'on reçoit des artistes dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et aujourd'hui, comme j'avais pas d'invité, bah, je me suis dit, tiens, on va passer tous les morceaux qu'on a enregistrés lors des passages des différents artistes. On en a un paquet, ça serait dommage de les diffuser qu'une seule fois. Donc, à l'instant, on vient d'écouter un artiste qui s'appelle Chris, qui est déjà venu à plusieurs reprises. C'est vraiment quelqu'un qui fait partie de la Maverika Family depuis longtemps. Chris, il nous interprétait un morceau qui s'appelle Salt and Pepper. C'est un hommage, bien entendu, aux Beatles. Et c'était dans l'émission numéro 416. Et c'était le 7 juin 2019. Voilà, ça date déjà... ça passe vite, hein. En plus, depuis le Covid, le temps est passé encore plus rapidement. Juste avant, c'était les Acoustic Wild. Ils étaient venus dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Nous avions repris un morceau des Led Zeppelin que vous avez forcément reconnu. Wall Lotta Love. C'était dans l'émission numéro 412. Et c'était le 25 avril 2019. Encore avant, un super morceau. Franchement, quand je l'ai réécouté... ben franchement, ça m'a redressé les poils. Le groupe Hype Me, un superbe groupe, voilà, qu'on a reçu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel à deux reprises, et puis on espère bien les recevoir très prochainement. C'était dans l'émission numéro 428, c'était le 1er novembre 2019, et le morceau qu'ils avaient interprété s'appelle « Here I Am ». Juste avant, encore une session Maverika, c'était Léo. Léo qui a fait deux émissions Maverika avec nous. Voilà, toujours un plaisir de la recevoir ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Le morceau qu'elle avait interprété dans l'émission Maverika numéro 396, c'était le 21 décembre 2018. Le morceau s'appelle « Here I Am ». Non, le morceau s'appelle Jimmy. Voilà, je me suis trompé de ligne tout simplement en lisant encore. Je me suis dit, tiens, ils ont le même titre que les Hit Me. Ben non, c'était donc le titre Jimmy dans l'émission numéro 396 et c'était interprété par Léo. Et on avait commencé cette session avec plusieurs morceaux, hein, carrément la session complète. Hein, c'était une session qui avait été montée par notre ami Didier et qui avait été enregistrée dans les studios de Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 381. Il y a plusieurs morceaux donc du groupe Miss Grad & Co. Et en l'émission numéro 381, c'était le 7 septembre 2018. Là, on va sortir un petit peu des sessions Maverika. On va écouter un groupe qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Il s'agit de Blast. Et Blast a enregistré pendant le confinement justement un petit morceau. Et j'ai envie de vous le diffuser tout de suite. Ça s'appelle « Il n'y a plus de musique ». Thank you. vient du PQ. Écrit à la sécu et personne m'a trouvé de solution. Du coup je peux plus me torcher le cul. Putain y'a plus de PQ.

Un très bon moment que nous avons partagé ensemble. C'était dans l'émission numéro 495. C'était Max De Giovanni. Il était venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était le 28 janvier 2022, hein, donc il y a pas très longtemps. En tout cas, une très grande découverte. Et puis, il nous avait fait un morceau en live. C'est vraiment un morceau enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Une voix, une guitare et toute l'émotion est là. Encore avant, bah, c'était Élodie Chelot qui, elle, s'était lancée à faire un morceau a cappella, mais vraiment sans musique, sans rien du tout. Et elle nous avait repris une chanson de Serge Gainsbourg qui s'appelle La Javanaise. C'était dans l'émission numéro 479 et c'était donc au mois de décembre 2021, donc le 3 décembre. Élodie était venue pour nous présenter le projet ELL. Encore avant, c'était Mirk avec une reprise d'une chanson célèbre de Alain Souchon, La Ballade de Jim, et c'était une session live. Encore avant, c'était les Blues Factory qui étaient venus dans les studios Radio Arc-en-Ciel dans l'émission numéro 404. L'émission numéro 404, c'était en 2019, le 15 mars. Ils nous avaient interprété une chanson qui s'appelle The Last Time, et c'est ce qu'on a écouté tout à l'heure. Franchement, un très bon moment de blues dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour cette émission Maurica numéro 404. Encore avant, un groupe que nous avons reçu une seule fois, mais il va falloir qu'il revienne, c'est le groupe 41. C'est pareil, le morceau qu'il nous avait interprété était super puissant. I Can Tell, c'était dans l'émission numéro 433. Et l'émission numéro 433, c'était le 6 décembre 2019. Voilà. Vous êtes dans l'émission Maurica, on va écouter encore beaucoup de musique. Alors là, j'ai fait toute une série comme ça de lives qui ont été interprétés en direct dans nos studios. Mais on va continuer aussi avec d'autres morceaux. Par exemple, le groupe Summer Chance avec un morceau qui s'appelle Astronaut. Le groupe Summer Chance qui est déjà venu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel qui, j'aimerais aussi qu'ils reviennent à nouveau pour nous présenter la suite de leurs aventures. On va écouter le morceau Astronaut, le groupe Summer Chance. Attention, ça envoie. Can't stop, can't see, I'm not seeing where it's like an earthquake. What's taking qu'importe, je te mène. De ton destin, j'ai les rênes. Lui que tu crois incertain, un libre arbitre, t'es fin. We'll be right back. gonna be bummed town. My bad feeling about this. My dream is crazy, but feel good. She's no bad girl every night, but she knows I'm jealous too. In my bed, she the fire in my head. My soul is lost, but feel good. Can do a drink on this. She's on the meeting in my life. My dream is crazy, but feel good. I miss around on from me. I found the sound of the sea. You don't stand on me. She was the woman, killed my burn. My dream is crazy, but feel good. L'herbe verte, la nature. en fait. Pendant, on assassine pour des dieux, des doctrines. Que le monde est beau, le monde est beau. Voilà, David McLean qui était avec nous la semaine dernière dans l'émission Mavrica était venu comme ça pour faire une petite chronique. Il n'avait rien préparé, mais on a discuté énormément. On a parlé de plein de bons souvenirs qu'on a ensemble dans l'émission Mavrica. Et puis on a aussi partagé avec vous notre passion pour la musique. On avait commencé cette série avec les Summer Chance Astronautes, le morceau qui envoyait bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Juste après, un groupe de Lyon qui s'appelle Trigone Plus, et vous avez pu écouter le morceau À ma merci. Juste après, c'était les Barricades qui étaient il y a quelque temps avec nous, et on a décidé de passer plutôt le morceau de l'album. C'est l'album qui s'appelle Bouge, qui sont venus présenter ici dans les studios il y a quelques semaines, et on a écouté justement le titre qui s'appelle Bouge, et j'espère que ça vous a vraiment envie de donner envie de bouger. En tout cas, les Red Daff eux aussi sont venus nous faire partager leur nouvelle musique. Il y a eu un concert exceptionnel, deux concerts le 2 jours de suite. Il y a quelques temps, j'ai pu y assister, et justement ils ont sorti un album qui s'appelle Faune, et le morceau qu'on a écouté de cet album s'appelle New Girl, et ça fait drôle d'entendre Fab chanter en anglais. En tout cas, ça nous fait plaisir, les Red Daff. Et juste après, on va retourner dans les souvenirs de l'émission Mavrica avec tous les artistes qui sont venus ici partager leur musique. Nous avons reçu un petit jeune il y a quelque temps, quelqu'un qui a énormément progressé. Déjà, il était très très très très doué dès le départ. Je kiffe dès le début de tout ce qu'il fait, c'est incroyable. Le morceau qu'il avait chanté ici s'appelle Allons de l'avant, c'était dans l'émission Mavrica numéro 438. Voilà, c'est écrit dans les annales de l'histoire de la musique orléanaise, et c'était le 17 janvier 2020, et cet artiste s'appelle Mathis Poulain. Financement, armement et gisement d'or. Noir ou blanc produit sur le dos de millions de gens payant comptant. À ça on peut être content. Y'a de quoi être content. Les tyrans en tirant les rênes du pouvoir. Et traînent leur honneur en crachant sur le savoir. Versant des torrents de sang et de chair par l'intermédiaire de leur versée. Crachant sur tout ce qui sort du rang à contre-courant. Et les tarions tout pétard de la terre. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Militari ont tout le pétard de la terre. slogan simpliste peut-être, mais affreusement sincère. Oh. Les années passent, la populace lasse, envers la crasse, ressasse, puis classe ce qui la dépasse, mais jamais ne remplace ce qui la casse. Fini la lutte des classes, y'en a marre des gauchiasses, nous on préfère attendre que la tempête passe. La tempête passe, balabala. Et tic-tac, tic-tac, j'attends la tactique technique qui garde les tuyaux de la classe politique. En attendant leur nouvelle manche, descend sur le chemin du changement. Militarisme, tout état de la terre. Entre les camps, y'a pas de domaine, y'a pas de frontière. Militarisme, tout état de la terre. Slogan de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Oh. Les tailles ont tout état de la terre. Va-la-bas, va-la-bas. Quand on est con, y'a pas de domaine, y'a pas. Non, non, non, non, non. L'Italie, on tout état de la terre. Slogan de quelqu'un qui en a marre de faire marche arrière. Alors, allons de l'avant, même si ça prend du temps. Je laisse les passes présents à mes enfants. Si vous ne connaissez pas encore son nom, c'est Mathis Poulain. Retenez-le bien parce que c'est un artiste qui promet énormément. Il est accompagné de très bons musiciens et puis il tourne actuellement. Et si vous avez l'occasion d'aller le voir sur scène, n'hésitez pas. Et en plus, je crois qu'il y a un album qui est en enregistrement ou qui est enregistré. Donc quand il veut, il vient dans le studio de Radio Arc-en-Ciel. C'est toujours un plaisir de le recevoir. Voilà, on va retourner en, le 20 septembre 2019. C'était dans l'émission Mavericade. Numéro 422. Nous avons reçu ici dans le studio de Radio Arc-en-Ciel les Ailes au Nord, donc le duo de Stéphane et Ariane, et ils nous avaient interprété un morceau qui s'appelait Des mots et des sons. Et d'ailleurs Stéphane, bah, je l'ai eu il y a pas très longtemps, il veut revenir dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, je l'ai invité à nouveau parce que forcément c'est des artistes que je suis depuis quelque temps. Alors ça va se faire, hein. On n'a pas encore retenu la date, mais ça va se faire très prochainement, et en attendant on les écoute dans l'émission numéro 422, c'était donc ici sur Arc-en-Ciel. Quelques satisfactions en un tiers de siècle, aussi quelques déceptions, et il nous reste s'occuper des histoires à partager. Laissez quelque chose pour vous. Parfois on est fier de nous. On vous donne pour cette raison des mots et des sons. Et si l'amour s'oublie dans le quotidien, notre relation change, c'est certain. Nos lutins nous éloignent, chaque jour d'amour se gagne. Laissez quelque chose pour vous, parfois on est fiers de nous. On vous donne pour cette raison des mots et des sons. Des mots et des sons. On vous donne pour cette raison. Des mots et des sons. of a probable outcome. The numbers lay to dance. I know that this pain at this wall of the soldier. I know that the clans are weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart. But that's not the shape of my heart. You may play the Jack of Diamonds. You may lay the Queen of Spades. You may conceal the King in his hand. Well, the memory of it fades. I know that this pain at this wall of the soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this heart. But that's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était dans l'émission numéro 409. C'était le 19 avril 2019. C'était le groupe Melody Road, et avec un superbe morceau qui s'appelle A Shape of My Heart. Juste après, on va écouter un autre groupe qui était dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était dans l'émission numéro 427. C'était le 25 octobre 2019. Le groupe s'appelle Odéon et il interprétait une chanson qui s'appelle Feuille morte, et on l'écoute tout de suite. Thank you. city. Wouldn't you come along? I said, yeah. She said, yeah. I'm the stealer. Come to steal your love. I'm gonna steal your love. Steal your love. I'm gonna steal your love. I'm gonna steal your love, baby. Steal your love. Steal your love. Steal your love. Steal your love. I'm gonna steal your love, baby. Vous imaginez ça dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, et pourtant ça a été comme ça a été enregistré ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était dans l'émission 434, c'était les Mockingbird, et c'était le 15 décembre 2019, les Mockingbird. Voilà, en tout cas on a passé beaucoup de bons artistes ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a eu l'occasion d'en découvrir énormément, et d'ailleurs j'ai un petit message à vous faire passer, c'est que habituellement il y a des invités dans l'émission Mareka, et justement aujourd'hui il y en a pas. Alors on diffuse le maximum de musique, hein. Vous avez vu un peu le nombre de morceaux qu'on vous a diffusés les uns à la suite des autres, et que de la bombe, hein, que de la bonne qualité. Voilà, on est comme ça dans l'émission Mavrika et sur Radio Arc-en-Ciel. Justement, la semaine prochaine, eh ben il y aura des invités, il y aura donc des lives dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Ça c'est vraiment fabuleux, c'est ce que vous aimez, c'est la cerise sur le gâteau. Et la semaine prochaine, nous aurons les Uncle Bikers qui viendront et qui nous interpréteront sûrement le morceau qu'on va écouter juste après, qui s'appelle Never Come Never Come Back. I'm c'est pas génial ce morceau. Et ben ils sont là donc la semaine prochaine dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, les Uncle Bikers, et vous allez retrouver justement notre ami Jacques Février qui était venu avec le groupe Stinger. Il était le chanteur Jack F, ou ses morceaux en français la plupart du temps, voilà, étant donné qu'il chante beaucoup de reprises. Et ben là c'est vraiment ses créations, c'est Jack F, les Blues Company qu'on a écouté tout à l'heure, et donc la semaine prochaine les Uncle Bikers dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour l'émission Mavrika. On va écouter un autre morceau d'un groupe que j'aime beaucoup, hein. Il s'agit des Chili Dogs, et justement ils ont enregistré un morceau qui est d'actualité, ou peut-être pas du tout, même justement au contraire. C'est un morceau que vous retrouvez dans la compile Roxette, et justement ça s'appelle Let's Go to Moscow, les Chili Dogs. fait de ce pauvre monde des tant soucis pour autant. Candide, ne fais donc pas tant de bruit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais prévenu pourtant. L'ennui, c'est le coup de toute ma vie. Partout il me poursuit, je me libère. We'll be right back. ma pensée et la raison qui dirige mon illusion. Perdu au milieu de nulle part, je retrouve peur. la lumière coule sur mon visage. Des rivières sont pleines, des montagnes sont ciel. Elle m'appelle, elle m'appelle. Sans amour ni haine, sans artifice ni scène. Elle m'appelle, nature suprême. Allez encore. Des rivières sont pleines, des montagnes sont ciel. On essaye encore un peu, tout doucement, pour finir le morceau. Des rivières aux plaines, des montagnes au ciel. Elle m'appelle, elle m'appelle. Encore plus fort. Sans amour ni haine, sans artifice ni scène. Elle m'appelle, nature suprême. Ouais. Bravo à tous. Merci à tous. Super chouette. Merci. Bonsoir le label Trump, est-ce que ça va? On se présente, on est Phil Grant. On vient de Tours et on fait du rock. Ok. Histoire de se mettre dans le banc, on va essayer de jouer un petit peu avec vous, si vous voulez bien. Alors c'est très simple, vous répétez après moi, on fait ça ensemble. Say, hey! Nothing that matters. On a écouté 4 morceaux à la suite, donc c'est la sélection du 19 mars, ça a été enregistré il y a quelques temps. C'était pour le label Trempe, vous savez, donc c'est le tremplin pour les jeunes artistes. Et on a écouté plusieurs artistes à la suite, hein, donc on a écouté le groupe Dystopia, le groupe Ineige, le groupe Mieux Seul, et à l'instant c'était Pete Grant. Je peux vous dire dès maintenant qu'il y aura une deuxième soirée et ça sera demain. Donc vous pourrez voir Klim, un groupe de grunge de Tours, First Theory c'est un groupe de power rock d'Orléans, Mirk, voilà qu'on a passé tout à l'heure, Mirk qu'on connaît bien, c'est notre ami Julien et ses musiciens, c'est de la chanson française de Blois, le groupe Squeeze avec du blues rock de Saint-Jean-de-Bray. Et il y aura donc la finale le 21 mai avec le groupe Clark Kent, un groupe de heavy rock de Tours, le groupe Moonsbeck Stage. Bon, il faut que je vérifie le nom parce que j'ai tellement mal gribouillé les trucs que c'est à vérifier. Donc on va le faire dès que ça sera possible. Donc c'est un groupe de rock fusion, en tout cas de Tours. Les Ailes au Nord qu'on a diffusé tout à l'heure et qu'on recevra très prochainement dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est de la chanson française et ils sont d'Olivet. L'Absang, c'est aussi un groupe de jazz vocal moderne d'Orléans et de Paris. Voilà donc pour le label Trempe. Donc un endroit où vous pouvez découvrir de très bons artistes. La preuve, on vient d'en écouter plusieurs à la suite. Et maintenant, on va monter plutôt sur Paris, donc avec un invité que nous avons déjà eu dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. C'était pas dans l'émission Eureka, il était venu pour voir Sébastien à l'époque dans une émission. Mais comme j'étais présent, j'ai pu le recevoir et j'ai assisté aussi à des concerts. Il s'agit d'un monsieur qui est portugais, qui habite à Paris. Il s'appelle Joseph César. Et je propose qu'on écoute un morceau qui s'appelle The Paint of Love, mais c'est une version spéciale remixée par Moto Mitsu. On écoute ça tout de suite, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Oh.

insultant et honteux, des passions qui résonnent. Je voudrais me cacher et survivre en reclus pour pouvoir vous crier, je ne suis pas venu. Le souffle de vos yeux m'interdit de vous fuir, me condamne au feu que brûlent mes délires. Une immense paupière se ferme sur mon être, retourner en arrière pour ne jamais renaître. Je vénère en silence les indices de vous, chapelle de l'absence où je suis à genoux. Le livre de ma vie gît au pied de mon lit, et la page où je meurs me renvoie ses lueurs. Vous êtes ancré en moi, quel que soit l'avenir, ou bien je serai roi, ou je serai martyr. Peu importe mes chances, peu m'importe le temps, aux affreux de l'absence, je reste et vous attends. Thank you. vient de passer 3 heures ensemble, 3 heures avec de la musique, beaucoup d'artistes de la région orléanaise et même de plus loin. Hein. On a écouté tout à l'heure justement de Paris, c'était Joseph César avec The Paint of Love, c'était le remix de Mitsumitsu. On a aussi écouté les Roraima qui étaient chez nous il y a quelques temps dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. On a pu découvrir leur musique et puis on a écouté un morceau qui s'appelle Monolith. On a écouté aussi Transchacal Express avec les origines gynécologiques du jean. Voilà, ils le disent beaucoup mieux que moi. Les Customs avec Rock and Roll Party, les Skawax avec Réseaux Sociaux, les Tourneurs Fraser avec Absence, les Shaking Mates avec un super morceau, j'adore ce morceau-là, c'est Rock and Roll. Et à l'instant, c'était les No Blush que nous avons reçus il y a quelques semaines dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est un morceau qu'on n'écoute pas souvent, mais que j'aurais découvert et que j'ai dit, franchement, il va falloir que je le passe dans l'émission Mavrika. C'est le morceau Back in Time. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'ai pas vu le temps passer. On dépasse même de quelques minutes, mais c'est pas grave. On prendra le temps d'écouter quand même un dernier morceau. C'est le morceau Jartel de Jartel avec qui s'appelle Ego Trip. Je voulais remercier. Il y a Irène qui nous fait un petit coucou. Elle sait que c'est la fin de l'émission. On va dire les phrases magiques. Alors la première, c'est que le rock and roll soit avec vous. Everything is gonna be alright. Et une vie sans musique serait une erreur. Voilà, cette émission numéro 506 se termine. La semaine prochaine, c'est la 507e. Et nous recevons ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel un groupe que, on connaît un membre. Les autres, on va les découvrir. En tout cas, je sais que c'est que de la bonne musique puisque c'est le rock and roll comme on l'aime. Ce sont les Uncle Bikers dans l'émission 507. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé, hein, 507, c'est bien ça. Aujourd'hui c'est 506, donc 507. Voilà. Donc on arrive à la fin de cette émission. On va aussi faire un petit coucou donc à Irène à l'instant, à tous les gens qui ont mis un petit mot sur le Facebook. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Vous avez été très nombreux à m'envoyer des petits messages et tout ça en privé. Donc continuez comme ça, ça me donne envie de vous faire écouter encore plein de bonne musique dans les prochaines émissions. En attendant, on va pas s'ennuyer. Et puis on va faire aussi un petit coucou à quelqu'un que j'oublie jamais, c'est Monsieur Florent qui enregistre toutes les émissions sur Radio Arc-en-Ciel et les remet sur un site. Donc je vous mettrai le lien très bientôt, donc vous pourrez écouter le podcast de l'émission Mavrika si vous l'avez loupé. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Je vous dis donc rendez-vous la semaine prochaine à partir de 19h sur Radio Arc-en-Ciel. En attendant, continuez à écouter les programmes de Radio Arc-en-Ciel et on se quitte donc avec le groupe Jartel, Ego Trip. Je veux une victoire de la musique pour décorer mon chiotte. Toutes les putes de Saint-Tropez sur une montagne de coke. Une villa à Bangkok avec dauphin dans la piscine. Et ma gueule sur un poster dans la chambre de ta gamine. Je veux dealer toutes les richesses de la Centrafrique et recevoir un prix Nobel pour mes attaques chimiques. Je veux tout et son contraire, je veux l'avant, je veux l'arrière. Et je veux des cocotiers sur la calotte polaire. Je veux tout savoir avant les autres et faire briller ma science. Devenir le chaman responsable de vos trans. Je veux l'absence et le présent, l'innocence et l'indécent. Et devenir une méga star mais sans aucun talent. Je consomme donc je suis. Je consomme donc je suis. Je suis. Je veux être et avoir tout et à outrance me gaver de caviar et mourir à 200 ans. Je veux devenir une légende mais pas comme mes parents et ne jamais trimer pour gagner de l'argent. Je veux faire sauter les banques et retourner le système, distordre les consciences et m'enfuir avec la caisse. Je veux devenir l'étendard de ma génération, manipuler les masses à la télévision. Je veux écraser autrui et me sentir supérieur, avoir les abdos protéines et Sylvester, Chesterfield à la main. Je veux fumer le monde, marquer de mon empreinte, le sublimer l'immonde. Tout s'achète, tout se vend. Niquer la planète, claquer le PIB de l'Éthiopie pour une corvette. Inventer des virus pour vendre des vaccins à des populations qui n'ont pas les moyens. Je veux des milliards d'amis imaginaires sur les réseaux, simplement pour faire bander mon ego. Je veux le jour, je veux la nuit, l'omniscience et puis l'oubli. Et des plages en hiver aux portes de Paris. Je veux devenir le prophète de la connerie humaine, mater mon portrait sur les lives BFM. Je mérite plus que ça, je mérite plus que moi, je mérite plus que moi. en harmonie. La FM en couleur. En couleur. Para o Até Eurovisão, tinha uma personagem dessa cidade e nós vamos por aqui ouvir mais uma música dedicada a esta cidade, Sweet Amsterdam. Eu, por acaso, tenho saudades de andar a passear por Amsterdão. Bela cidade. E batatas fritas. Logo depois há Isaura para ouvir, que tem novidades depois de quase 3 anos sem apresentar música nova. Está de volta e com toda a força e pica. Mais à frente chega Inês Menezes e Júlio Machado Vaz para ouvir